avec mes potes, on sera célèbres. Et là, tu ceux qui avaient méprisé, adoreront. Je les barre en paix, c'est minier. Meilleur pote sera